Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire fabuleuse de quatre adolescents qui, un jour de septembre 1940, découvrent un incroyable trésor, la grotte de Lascaux. De Lascaux, nous avons tous l'image de ses peintures et de ses gravures incroyables de taureaux, d'hommes, de chevaux. Par chance, si vous avez peut-être même visité cette grotte ou ses copies, Lascaux 2, 3 ou Lascaux 4, vous avez été ému, forcément. Mais connaissez-vous l'histoire de Marcel, Jacques, Georges et Simon qui, par hasard, mais aussi avec un peu de courage, se sont enfouis les premiers dans l'intérieur de cette colline de Dordogne? Quelle a été leur réaction? Qui ont-ils prévenu ensuite? Et puis, comment Lascaux est-elle devenue la chapelle Sixtine de la préhistoire? Depuis sa découverte, la grotte a eu plusieurs vies. Pendant la guerre, elle a dû rester silencieuse et éviter que les soldats allemands ne s'y intéressent de trop près. Puis, au lendemain de la libération, c'est au tourisme et au grand public qu'elle a dû s'ouvrir avec le revers de la médaille. Travaux, embellissements et affluences provoqueront l'apparition de maladies sur les murs. Phénomène qui pousse les autorités à fermer les lieux. Que s'est-il passé ensuite? Lascaux et ses 7 salles et près de 2000 illustrations sont-elles sauvées? Restera-t-elle fermée? À jamais. Durant ce récit, vous entendrez la voix et les souvenirs de ces quatre enfants, dont celle de Jacques Marsal, qui en 1980, pour l'émission intitulée « Nous chacun tous » de France Culture, a raconté longuement ces années. En seconde partie, nous recevons Yves Coppens, paléontologue, professeur au Collège de France, découvreur en 1974 de l'un des plus anciens hominidés connus, Lucie Hominidé. Soyons précis, il est depuis 2010 président du conseil scientifique de Lascaux. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité du site, mais aussi sur son histoire, dont ses parois témoignent. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation et illustration sonore Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'histoire débute le 12 septembre 1940 sur une colline au Don Rond, dans le département de la Dordogne. Quelques mois après la déroute de Juin et la capitulation française, au village de Montignac, les soldats allemands n'occupent pas encore le paysage. La guerre se limite alors aux jeux d'enfants. Et en ce jeudi de fin d'été, trois jeunes adolescents, Jacques Marsal, Simon Coincas et Georges Agnel, âgés respectivement de 15, 14 et 17 ans, imaginent pour s'amuser d'aller défier la bande des petits Lorrains qui ont trouvé refuge avec leurs parents dans la région. Mais sur le chemin qui les mène sur ce champ de bataille imaginaire, ils croisent Marcel Ravida, un apprenti garagiste de 18 ans. Quelques jours plus tôt, le 8 septembre, Marcel a été intrigué par un trou découvert par son chien sous la souche d'un arbre, non loin du manoir de Lascaux qui surplombe la rivière de la Vézère. Dans la région, chaque enfant a entendu parler de cette légende d'un soi-disant veau d'or caché aux alentours du château et dont personne n'avait jamais réussi à retrouver la trace. Et si ce trou menait un trésor, qui sait? Marcel souhaite en avoir le cœur net. Et 4 jours plus tard, ce 12 septembre, c'est en retournant sur les lieux qu'il tombe par hasard sur Jacques, Simon et Georges qu'il écoute raconter sa découverte. Curieux et aventureux, les trois jeunes gens décident de le suivre jusqu'au trou. Arrivés devant, ils y laissent tomber quelques cailloux. Et là, la chute est longue, l'écho est lointain, étrange, creusons. Et oui. Pour l'instant, personne ne peut se faufiler, alors pendant près d'une heure, les joyeux lurons agrandissent le trou à l'aide de petits poignards. Puis Jacques, le plus svelte, est invité par ses camarades à pénétrer dans la cavité. La suite, c'est lui qui la raconte, des années plus tard. Alors je m'enfile dans le trou, vous savez, courageux mais tout juste. J'avais les pieds qui remuaient dans le vide et puis je dis « Oh non, je peux pas passer, j'étouffe ». Ah, ils m'ont ressorti du trou, pas très content, mais dit « Tu as un dégonflage », j'ai dit « D'accord, mais enfin... » On a essayé, alors on a refait partir des pierres. Alors, Ravida, avec son poignard, a dégagé une grosse pierre qui est partie le long du cône des boulis, ce qui fait que, à ce moment-là, il s'est glissé le long de cette sorte de faille. Il y a eu ce premier trou, puis le deuxième trou en forme de faille presque verticale. Marcel, le plus grand, prend alors ses responsabilités. Il descend, cherche des appuis dans l'obscurité, puis patatras, le jeune dégringole. Oh, plus de peur que de mal, rien de cassé. Il se relève et demande à ses trois compagnons de le rejoindre. Une fois réunis, la petite troupe s'avance prudemment à l'aide d'une lampe rustique confectionnée par Marcel avec une pompe à graisse et quelques mètres de ficelle. Pour éviter toute nouvelle glissade, les quatre explorateurs improvisés n'éclairent que leurs pas. Puis d'un coup, Jacques pousse un cri et pointe son doigt vers les hauteurs de la paroi, et pour cause. Et là, en soulevant la lumière, on a vu que le plafond était couvert de peinture. Rouge, noir, jaune, de chevaux, de vaches, on était complètement dingue quand on a vu ça. Et plus on avançait dans ce couloir, plus le plafond était peint de peinture. Alors là, on est enthousiasmé. Enthousiasmé, c'était un mot qu'on n'employait pas. On était littéralement dingue, fou. On se donnait des coups de poing, on dit, tu as vu celui-là, tu as vu celle-ci, tu as vu celle-là. Sans comprendre vraiment, on était très, très, très excités. Il y avait des chevaux, il y avait des vaches, il y avait d'autres chevaux style un peu des poneys. On s'est aventuré plus loin, on a vu un énorme taureau noir. Ensuite, au fond, des chevaux qui avaient l'air de tomber, dont un qui était même pas à l'envers. On est allé jusqu'au fond, là-bas. C'était rouge et noir, l'ensemble. Rouge, noir et jaune, avec sur un fond blanc. Dans les entrailles de cette colline, il n'y avait donc pas de veau d'or, mais un trésor bien plus grand. Alors, lentement, les quatre garçons suivent du regard la lueur de la lampe qui, à chaque mouvement, met au jour de nouvelles peintures et gravures. Mais qui sont ces hommes peints, ces vaches, ces chevaux? De quand datent-ils? Pour l'instant, ils ignorent tout, mais ils sont sûrs d'une chose. Ce qu'ils viennent de découvrir est extraordinaire. Alors, avant de sortir, ils se promettent de garder le secret, jurer, cracher. On reviendra demain avec du matériel. Ce 12 septembre 1940, chacun rentre chez soi, le pantalon un peu sale, mais la tête pleine d'images et de rêves. Il y avait le Cuencas qui habitait juste en face de chez moi. Le soir, en mangeant, je sortais, j'appelais Simon qui habitait à l'étage au-dessus. Simon ! Alors Simon quittait la table, il venait aussi. On se tapait dans les mains, on se disait rien, on repartait à table. Ma mère dit, mais qu'est-ce qu'il a ce gosse? On était complètement excités. Mais 3-4 fois au cours du repas, Simon, ou alors Jacques. Le repas du soir de ce jour-là. De ce jour-là. Le lendemain, comme promis, chacun prend un chemin différent vers la grotte. Tels des Indiens avant une attaque, ils marchent sur la pointe des pieds, jettent des regards à droite, à gauche, puis courent et s'arrêtent brusquement, vérifiant que personne n'a pu les suivre. Un seul garçon n'a pas su tenir sa langue, Simon, qui dès le lendemain de la découverte arrive sur les lieux avec son frère. Bon, qu'importe, personne ne lui en veut. Dans ce type d'aventure, il vaut mieux être un de plus. Muni de cordes et de lampes, à 5, il replonge dans l'inconnu. Et sur chaque paroi, dans chaque salle, ils sont émerveillés par ces choses étranges et belles qu'ils découvrent. Puis ils arrivent devant un nouveau trou profond et intrigant. Une nouvelle fois, c'est Marcel qui se jette le premier. Et là, en bas, il observe une figure humaine à tête d'oiseau renversée par un bison. Mais enfin, quelle est cette grotte? Un sanctuaire? Un espace magique? Très vite, le secret se dévoile et le cercle des confidences élargit à tous les enfants de Montignac. Comment garder un secret si grand pour des ados? Imaginez leur joie de montrer à leurs copains un chemin vers une époque lointaine et oublier celle des premiers hommes. Alors, à quoi bon garder le secret? Après avoir organisé leur auto-célébration dans les copains, ils se décident de prévenir un adulte. Et c'est Monsieur Laval que la bande choisit. Laval a été l'instituteur de Jacques. L'adolescent se souvient l'avoir entendu conter l'histoire des hommes des cavernes. La première fois que Jacques en parle à l'instit, l'homme est sceptique. Il décide alors de missionner un autre de ses anciens élèves pour qu'il réalise des croquis de ces figures étranges. Dans le même temps, chaque jour, les enfants élargissent l'entrée de la grotte jusqu'au moment où un adulte peut y pénétrer. Et le 18 septembre, 6 jours après la découverte, le vieil instituteur et quelques personnes des alentours font le déplacement. Monsieur Laval s'approche, puis pénètre dans l'orifice broussailleux. Savant, certes, mais pas intrépide, après quelques égratignures sur le visage, il rebrousse chemin. Une paysanne l'écarte, puis s'aventure sans crainte, elle. L'instituteur prend alors son courage à deux mains et suit les jeunes gens dans la cavité. Après quelques mètres, allongé sur le sol, il découvre la grande salle et pousse des cris d'admiration. On l'a attaché, on l'a descendu dans le trou, et quand il est arrivé dans la salle principale, qu'on appelle la salle hétéro, son premier mot, c'est assez difficile à dire, surtout si ça doit passer à la radio, « Oh merde alors !» Surpris, émerveillé, heureux du cadeau que viennent de lui faire les gamins, on le serait à moins. Plus l'instituteur avance, et plus il va de révélation en révélation rupestre. Après cette première visite, il décide de prendre les choses en main. Il demande à Jacques et Marcel de garder les lieux et d'empêcher désormais quiconque d'y pénétrer. Le propriétaire du terrain est prévenu et accepte que les deux jeunes hommes restent sur place. Fini l'école, désormais ils vivront là. Ils y plantent une toile, puis érigent une cabane avec un mât où ils lèvent le drapeau tricolore. Rien que ça. Dans le même temps, l'instituteur se met en quête d'un savant. Il cherche à contacter l'abbé Henri Breuil, le pape de la préhistoire, comme le surnomme alors tout le monde. Par chance, au village, un ami de Breuil est présent. Après la capitulation française, l'abbé a rejoint Brive en zone libre. À vélo, on lui apporte donc quelques croquis dessinés de la grotte. Et le pape de la préhistoire réagit ainsi. À la vue des croquis, j'ai compris qu'il s'agissait d'une grande découverte. Je me rendis aussi vite que je le pus, c'est-à-dire le 21 septembre, avec mes amis les abbés Buissonnier, avec le docteur Chénier, à Lascaux, où je fus reçu admirablement par l'instituteur Laval et les jeunes gens. Et, vraiment, voir ces peintures était si émouvant que je n'ai pas trouvé de mots pour exprimer mon émotion. Quelques jours plus tard, le 21 septembre, il est sur place. Un accès a été ménagé, des lumières ont été apportées. Les premiers instants, face aux peintures, l'homme reste sans voix, muet comme une carpe. Puis il retrouve ses esprits et répond aux questions de l'instituteur et des enfants. En sortant des lieux, il annonce son choix de rester à Montignac. Alors, pendant plusieurs semaines, il y retourne chaque jour et il entreprend la rédaction d'un premier rapport pour l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. La nouvelle passe alors les collines et des journalistes arrivent. Sous leurs plumes, la légende prend forme, jouant parfois avec la vérité. Qu'importe, Lascaux est désormais dévoilé et de nombreux curieux débarquent à Montignac. Arrivés au village, ils suivent les premiers panneaux installés par la mairie. Et là, devant l'entrée désormais aménagée, ils tombent sur Marcel et Jacques, qui jouent les guides en échange de quelques pièces. En une semaine, plus de 1500 visiteurs visitent la grotte. Parmi eux, des personnalités scientifiques, mais aussi politiques. Le 28 septembre, par exemple, c'est le préfet de Dordogne qui est là. Après sa visite, il fait remonter l'information pour que des mesures soient prises afin de protéger les lieux et cette grotte exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant tout l'automne, on aménage donc la grotte et ses alentours. Le 27 décembre 1940, Lascaux est reconnu monument historique. Mais la guerre, qu'on pensait oublier durant cet automne, est bien là. Même si Montignac est pour l'instant zone libre, l'occupation ne permet pas au service des monuments historiques d'établir un programme précis. On fait alors le minimum. On construit un mur, on place un grillage et une porte. Monsieur Laval est chargé de veiller sur la grotte et d'éviter toute dégradation. Henri Breuil, lui, quitte la France par les Pyrénées. Les jeunes ados, eux aussi, sont rattrapés par la guerre. En novembre 1942, les soldats allemands sont sur place. Quelques mois plus tard, Jacques est arrêté. Alors, on dit, vous suivez-moi, prenez trois types avec vous et vous allez nous accompagner. C'était un Alsacien, un interprète, un soldat allemand. Alors donc, je suis allé chez monsieur le régisseur, monsieur Parmeau, prendre les clés, prendre des lampes, arrivé à la grotte. On était monté dans toute une colonne en bas là, de la route qui est toute droite. Une autre partie de la colonne avait fait le tour de l'autre côté parce qu'il y avait un vieux chemin qui montait là. Et on est monté à travers bois, devant, avec le garçon qui était avec moi, qui a été pris, et les deux autres de l'autre côté. Et on est monté à travers bois, en arrivant là, ici, dit, la grotte, c'est le baraquement planche là-bas. Il dit, ben allez ouvrir. Bon, je suis allé ouvrir, vers la porte, puis ils sont venus. On est descendu dans la grotte, ils ont regardé partout, ils n'ont rien trouvé. Alors donc, ils me disent qu'ils devaient me relâcher, finalement, ils m'ont renfermé à la mairie. Le soir, on nous a embarqués dans des camions, on nous a amenés à Périgueux. À Périgueux, on a été enfermés pendant 4 jours. Et là, on nous a dit qu'on était parti pour l'Allemagne, et puis c'est tout. Parmi les quatre garçons qui ont découvert Lascaux, Simon et Georges, qui étaient deux Parisiens en vacances, rentraient à la capitale. Quelques jours après l'événement, Simon Vincas, d'origine juive, est arrêté avec toute sa famille. Emmené à Drancy, il est finalement relâché avec sa sœur en raison de son âge. Ses parents, en revanche, sont déportés. Ils périront à Auschwitz. À Montignac, c'est le STO, le service du travail obligatoire, qui pousse Marcel dans la guerre. Pour éviter de partir en Allemagne, il se cache dans une grotte non loin de celle de Lascaux, puis intègre le maquis. Jacques, lui, n'a pas cette chance. Arrêté, interrogé, il est envoyé en Allemagne, en Autriche, puis en Yougoslavie, où il est libéré le 8 mai 45. La guerre terminée, Marcel et Jacques reviennent au pays et retrouvent leur trésor nommé Lascaux, qui désormais est connu du monde entier. En effet, après les journalistes, les photographes et les scientifiques, ce sont les caméras qui débarquent sur place. En novembre 1944, un premier court-métrage, La nuit des temps, qui relate l'histoire de la découverte de Lascaux, sort en salle. La même année, les propriétaires de la colline et donc de la grotte, la famille de la Rochefoucauld, créent une société commerciale et lancent les premiers travaux pour ouvrir les lieux au public. Marcel et Jacques participent au chantier, puis en deviennent les premiers guides. Le 26 septembre 1948, quelques semaines après l'ouverture au public, une cérémonie officielle est organisée. Ce jour-là, Michel Droit, journaliste de la RTF, fait le déplacement. À son micro, on entend les voix de Marcel et de Jacques. Ici, la grotte de Lascaux, à quelques 25 mètres sous terre, sous cette campagne périgourdine qui déploie, qui déroule sous le soleil ses bois, ses plaines, ses collines, ses vallonnements. Nous voilà donc dans la grande salle en rotonde de la grotte de Lascaux. Et si nous ne craignons pas d'être accusés de profiter des circonstances, nous dirions que tandis que nous parlons ici, notre voix éveille des échos qui ont plus de 20 000 ans. Mais avant de vous décrire cette grotte et avant surtout de vous parler des peintures qui en font le principal intérêt, nous voudrions remonter non pas à ses origines, mais tout au moins aux origines de sa découverte. Car nous avons à côté de nous les deux garçons qui, eux, l'ont découverte. Est-ce que vous pourriez dire vos noms? Voulez-vous vous approcher? Car ils sont deux. Quels sont vos noms? Moi, Jacques Marsal. Et Marcel Ravida. Puis après avoir écouté les deux gamins raconter leur histoire, micro à la main, Michel Droit s'aventure dans les lieux. Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Elle est là devant nous, comme je vous l'ai dit, en forme de rotonde. C'est une rotonde de chaos rocailleux, de pierres de couleur ocre dans l'ensemble, un peu argileuses. Et sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture. Des fresques de peinture absolument étonnantes, étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici ici un auroch peint en noir et en rouge, poursuivi par des chevaux. Je m'approche d'une autre fresque un petit peu plus loin qui représente des cerfs d'un délié et d'une finesse extraordinaire. Voici un combat de reine, là. Voilà des gravures dans la pierre également. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est la conservation et la pureté des traits de tout cela. On dirait vraiment que cela a été peint il y a 40 ou 50 ans. Et si dans quelques milliers d'années, lorsqu'on retrouvera ces figures, lorsqu'on retrouvera ces fresques qui seront certainement aussi bien conservées que maintenant, en comparant les deux, est-ce qu'on ne pourra pas se demander où est la vraie préhistoire et où est la vraie civilisation? Paris à sa Joconde, Montignac à Lascaux. Jour après jour, des centaines de visiteurs entrent à l'intérieur de cette grotte admirer ces vestiges de temps lointain de la préhistoire. Photographies, films, conférences, livres, Lascaux intrigue, émerveille du jeune enfant jusqu'au savant le plus sage. En 1955, Georges Bataille publie « Lascaux ou la naissance de l'art » et il écrit « Cette extraordinaire caverne ne peut cesser de renverser qui la découvre. Elle ne cessera jamais de répondre à cette attente de miracle qui est dans l'art ou dans la passion, l'aspiration la plus profonde de la vie. C'était le premier pas, c'était le commencement. Mais avions-nous le droit d'ouvrir ce trésor aux hommes du présent? À la fin des années 50, des taches mystérieuses recouvrent la paroi, si bien qu'en 1963, le ministre de la Culture, André Malraux, décide de fermer Lascaux. À jamais. Que s'est-il passé? Et quand Lascaux réapparaîtra-t-elle aux yeux de tous? Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. J'passe de sas en sas et mes visites s'espacent. Les ombres se chinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser. Je passe ce silence, mes avatars, je passe sur tes frasques. Omnibulé, pourquoi, pour un vasistas, loin du réconfort. J'passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Les élans me courent et m'entraînent vers d'autres riveraines, vers la grande inconnue, loin du réconfort. La grotte de Lascaux est en péril. Les fameuses peintures pariétales représentant des bisons sont envahies depuis quelque temps par une minuscule couche de champignons ou d'algues microscopiques. La prolifération de ces champignons est si rapide que M. Malraux a décidé il y a un mois la fermeture de la grotte et il a nommé une commission d'enquête chargée d'étudier ces phénomènes inquiétants. Cette commission s'est réunie il y a quelques jours. Elle comprend des juristes comme M. de Ségogne, des spécialistes de l'art comme Mme Chastel et des savants comme le Dr Boer. Docteur, pouvez-vous nous dire d'où viennent ces algues microscopiques ? C'est l'inconnu du problème, ou tout au moins une variable, que la Commission essaie de déterminer actuellement. Plusieurs facteurs sont en jeu. Et vous ne pouvez pas les faire disparaître, vous ne pouvez pas les enlever, ces algues ? On essaiera, justement, par décoloration, après. Non, une fois que l'algue est morte. Je vais vous poser une question un peu stupide, mais est-ce qu'on ne peut pas brosser la grotte ? On ne peut absolument pas, puisque la peinture est excessivement fragile, et la calcite aussi. Oui. C'est en 1955, pendant la période estivale où l'affluence est la plus forte, qu'on remarque pour la première fois de la condensation sur les parois. Elle tombe sur la voûte et abîme les peintures. Face à ce problème, on apprend de l'administration des Beaux-Arts qu'un appareil régulateur d'atmosphère, inspiré des méthodes employées dans les sous-marins, va être installé. Pour cela, on creuse une salle des machines et on enfouit les conduits de ventilation dans le sol des galeries sans qu'une étude archéologique ne soit programmée. Après plusieurs mois de travaux, la machine est mise en marche. Les résultats sont concluants. L'air est plus pur. La condensation diminue. Alors on pense que le problème est réglé. Sauf que cet air et tous ses visiteurs désorganisent l'équilibre naturel qui avait permis pendant des dizaines de milliers d'années de sauvegarder ces peintures. Et en 1960, un nouveau mal apparaît bien plus grave. Les taches vertes. D'abord repérées autour des projecteurs installés dans la grotte, ces algues envahissent ensuite la paroi. Si bien qu'après un congé, Marcel, qui est toujours l'un des guides, est stupéfait quand il découvre que le cheval renversé de l'espace intitulé diverticule axial est désormais perdu dans une véritable prairie, pour reprendre ses mots. Lascaux est malade et son état s'aggrave de jour en jour. De nouveau, des scientifiques viennent sur place et tous font le même constat. Ces algues se nourrissent autant du système de soufflerie que de la lumière qui leur permet de se développer. On installe alors des filtres, puis on limite les jours d'ouverture, mais rien n'y fait. En plus des algues, un voile blanc de calcite recouvre désormais certains endroits de la grotte. Lascaux et ses énigmes ont décidé de se cacher. Oui, pour sauver la grotte, le ministre de la Culture, André Malraux, décide donc le 20 avril 1963 de la fermer. Désormais, derrière la porte close, seuls des spécialistes de la roche et des pierres, spécialistes de la contamination microbienne, physiciens, préhistoriens, critiques d'art, sont autorisés à se rendre au chevet du malade. On limite la visite à 5 personnes qui toutes doivent passer leurs pieds dans le formol avant de pénétrer au cœur de cette colline sacrée. La lumière aussi est de plus en plus tamisée. À la lueur des premiers temps, munis de pinceaux à l'aide d'antibiotiques et de désinfectants, les spécialistes soignent tant bien que mal les parois. En 1966, une machine d'assistance climatique imaginée par un ingénieur des monuments historiques, Pierre Vidal, permet à la grotte de retrouver sa fonction d'écrin. Mais comme le déclare son conservateur Marc Saradet, en 1971, Lascaux restera fermé à tout jamais, qu'on se le dise. Alors, Lascaux est fermé à tout jamais. Et voyez-vous, c'est un peu comme une chambre, un bloc opératoire, ou une chambre d'un malade, même d'un malade convalescent, où vous ne pouvez pas admettre 1500 personnes par jour dans une chambre de malade. Alors, comment satisfaire la curiosité du monde? Comment permettre au plus grand nombre de découvrir les peintures de ces 7 salles? Au lendemain de la fermeture, on imagine assez tôt la fabrication d'une copie. En 1966, l'IGN, l'Institut Géographique National, cartographie de façon très précise l'intérieur de la grotte. Mais rien de plus. L'idée d'une copie est ambitieuse et elle est chère. En 1972, la société civile de la grotte de Lascaux fait donation du site à l'État contre une indemnité d'1 million de francs et un droit de reproduction des peintures pendant 30 ans. Le propriétaire lance alors le chantier de Lascaux 2. Parmi l'équipe qu'il met en place, on trouve Monique Pétral, une peintre formée aux Beaux-Arts qui a pour mission de reproduire les ornements de Lascaux. Avec l'aide de Jacques Marsal, qui lui sert de guide, elle pénètre dans les lieux, apprivoise ses peintures, les scrute, puis les dessine sous tous les angles. Seule avec ses témoignages si fascinants d'une vie si lointaine dans le temps, elle se laisse emporter par le mouvement des scènes, la violence et les allégories de ses artistes des premiers temps. Comme eux, elle souffle sur les murs, touche le sol, cherche de la matière qui pourrait lui permettre de retrouver une couleur. Pendant des mois, elle passe de la grotte à la copie conçue comme un bloc métallique. Mais en 1975, par manque de moyens, le propriétaire jette l'éponge, le chantier fermé. Lascaux sera-t-elle maudite ? Pendant des années, le maire de Montignac bat campagne pour relancer le projet. Dans cette quête, il obtient le soutien de l'ancien Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, qui arrive à convaincre le Conseil général de prendre la suite des travaux avec l'aide de l'État. C'est ainsi qu'à partir de juin 78, le département rachète le blocus et le facsimilé. Peintres, ingénieurs, sculpteurs se remettent alors au travail. La journée, dans le bruit et la poussière, les sculpteurs recherchent le meilleur alliage de matière et de teinte, puis forgent à la main les courbes de la grotte. Puis le soir, dans le silence et à la lueur de quelques lumières, Monique Pétral peint. J'observe qu'il y a une même pensée. Si on ne peut pas dire absolument, évidemment, puisque c'est très loin, on ne peut pas dire qu'il y a une seule main. En tout cas, il y a une seule pensée, c'est certain. Parce que le code de signification, le code du dire dans toute la paroi, diverticulo-axiale y compris d'ailleurs, est très, très similaire partout. La manière d'indiquer les yeux, d'indiquer les museaux, les pattes. On dit toujours ils se sont totalement appuyés sur le volume, d'accord. Mais en plus, ils ont fait un choix absolument totalement judicieux sur cette paroi. Parce que entre un moutonnement, une arête, une bosse et une autre, vous en avez énormément les unes à côté des autres. Et ils ont vraiment pris pile celle qu'il fallait dans la proportion de ce qu'ils avaient à dire. Enfin, en 1983, 20 ans après sa fermeture au grand public, Lascaux 2 apparaît. Le résultat est à la hauteur de l'investissement et de la mémoire millénaire enfouie dans cette colline. Scientifiques, chercheurs, journalistes et même Marcel Ravida, qui était pourtant sceptique, salue l'exploit lors de son interview en duplex dans un journal de France 2. Lascaux 2, c'est une merveille. Pour celui qui ne connaît Lascaux que diapositive ou carte postale, s'il laisse piéger. C'est une relation qui est merveilleuse. Le 12 septembre 40, vous avez tout de suite compris que vous aviez fait une découverte capitale pour l'histoire de la préhistoire, si j'ose dire. Nous avons tout de suite compris que c'était une grotte préhistorique, parce que lorsque nous étions à l'école, nous étions descendus souvent aux Aisies, où nous avons visité Fond de Gomme, Combarel, Lamoute. Se rendre compte de l'importance de Lascaux, non, nous n'étions pas assez érudits pour faire ça. Ce n'est que par la suite, lorsque nous avons vu défiler toute cette série de savants, on appelait ça des savants nous autres, on a vu que c'était quelque chose de phénoménal que nous avions découvert. Grâce à cette ouverture, Montignac retrouve aussi l'effervescence des années 50 où la grotte était encore ouverte. En 1986, à l'occasion de la sortie du film Lascaux, un nouveau regard, pour la première fois depuis la découverte, les quatre enfants de Montignac se retrouvent. Trois ans plus tard, Jacques Marsal est le premier à quitter la bande. Il a été de 1948 à sa mort le gardien du temple, le seul à pouvoir y entrer quand il le souhaite. Six ans plus tard, Marcel Ravida s'éteint à son tour. Il restera jamais le premier découvreur, le premier à se sentir attiré par ce trou, le premier à s'y faufiler et à finalement découvrir cette grotte aux mille secrets. Jacques et Marcel n'assistent donc pas au dernier chapitre de l'histoire récente de Lascaux. En 2001, alors qu'on pensait la grotte sauvée, après l'installation d'une nouvelle machine de climatisation, de nouvelles taches blanches, puis noires, apparaissent sur la voûte de l'entrée, dans la salle des taureaux, dans le passage et l'abside. Nouveaux traitements, nouveaux produits. En 2006, à la suite d'un article d'un journaliste du Time Magazine, les propos de James Graff, qui relate les différentes crises de Lascaux, sont repris dans le monde entier. Rumeurs, polémiques, pétitions, l'état de santé de la grotte est même débattu à l'UNESCO. Les ministres de la culture successifs lancent de vastes projets d'investissement et de recherche, puis invitent les journalistes à voir de leurs propres yeux que tout est sous contrôle. Effectivement, les choses s'arrangent, mais on limite la présence dans la grotte à une centaine d'heures par an. À l'extérieur, la famille Lascaux s'agrandit. Après le fac-similé de Lascaux 2, on imagine un Lascaux transportable, Lascaux 3. En 2016, c'est Lascaux 4, un vaste projet de 8500 m2 à la fois scientifique et touristique qui sort de terre. Parmi les premiers curieux à visiter les lieux, on reconnaît Simon Quincas. Ça me rappelle des souvenirs qu'avant on oubliait beaucoup de choses. Mais là ça revient au jour. Ça revient à la mémoire. C'est vraiment un travail d'artiste. Hein. Vraiment incroyable. Je me croirais dans la vraie. Tellement c'est bien fait. C'est vraiment un travail, hein. Du beau boulot. Le Louvre est beau, mais ça, c'est magnifique. 76 ans plus tôt, le 12 septembre 1940, il avait découvert avec Marcel, Jacques et Georges ce trésor nommé Lascaux. Grâce à cette petite bande, Lascaux est désormais le trésor de tous, un legs pour l'humanité. Me. though it is another. I'm not a fugitive fight. I never took it so seriously. Well, you're serious, alright. Watch them all fight. But you can't fight it. And I'll cry. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le trésor de Lascaux avec notre invité Yves Coppens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes paléontologue, professeur au Collège de France depuis 2010, président du Conseil scientifique de Lascaux. Voilà, avant d'interviewer le savant, est-ce que l'homme pourrait nous raconter sa première rencontre avec Lascaux? Bah écoutez, j'ai été parmi les premiers pollueurs. Puisque, comme j'étais fasciné par la préhistoire depuis un tout jeune âge, que je ne situe pas bien, mais c'est autour de 6-7 ans, l'âge où les petits enfants, les petits garçons en particulier, les petits garçons surtout, hein, je dis pas ça par sexisme, c'est d'après le courrier que je reçois, sont fascinés par les dinosaures, par les voitures, par les un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, cette histoire-là remonte très très loin pour moi, autour de l'âge aussi de 6 ou 7 ans. Et comme Lascaux venait de s'ouvrir, j'avais demandé à mes parents d'y aller, mes parents m'y ont conduit. Et donc j'ai été parmi les visiteurs, il y en avait 30 000 par an à ce moment-là. 30 000 pollueurs, c'était effrayant, ouais. J'étais parmi les 30 000 pollueurs. Ouais. Et est-ce que ça vous a, après on arrête de parler de vous, hein, est-ce que ça vous a conforté dans votre idée de consacrer votre vie à la paléontologie? Bon, vous étiez bien jeune, mais enfin bon. Sûrement, mais ça je n'en ai pas un grand souvenir, sinon d'un souvenir extraordinaire d'une galerie de peinture, quoi, en quelque sorte. Parce que je ne situais pas bien les choses, mais ça a été pour moi une très grande visite, celle que j'espérais, sans évidemment aucune déception. J'ai été très impressionné par la première partie de votre émission, par les voix, parce que je connaissais ouais. l'histoire par cœur, mais les voix des uns et des autres. Et je voudrais dire quelque chose à ce sujet qui m'amuse, c'est que les garçons, aussitôt qu'ils pensent que c'est quelque chose d'important, vont voir qui? L'instit, oui. leur instituteur. Donc c'est la gloire de l'école, de la grande école de la République. La grande école publique, exactement. Et ensuite, l'instituteur aussi intelligent que les petits garçons, va voir le pape de la préhistoire, va voir l'abbé Breuil. Mm-hmm. Et ce qui m'étonne, c'est la réactivité de tous ces gens-là. Parce que finalement, Laval, l'instituteur, y va très vite. Un peu reculons d'ailleurs. Et puis Breuil y arrive quelques jours après. Quoi. Ça dit, est-ce vraiment étonnant parce que tout de même, la découverte, elle est incroyable, même si on ne sait pas exactement ce que c'est sur le coup. On sait qu'on a touché quelque chose d'incroyable. Donc... Oui, je pense que ce n'est pas étonnant. Et en même temps, ces gens ne pouvaient pas être trop sûrs. La preuve, c'est certes. Que... Laval a envoyé un garçon pour dessiner quelques-unes des peintures pour être sûr qu'il s'agisse vraiment de peintures préhistoriques. Mais en tout cas, cette réaction, tout ceci se passe en septembre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ces gens-là ont réagi tout de suite et ont confirmé tout de suite, et tout de suite c'est devenu un chef-d'œuvre, enfin un des grands chefs-d'œuvre de l'humanité, quoi. De quand datent ces peintures et que sait-on de ces hommes et de ces femmes, probablement, qui ont réalisé ces œuvres? Ben écoutez, moi je suis très impressionné par le fait que ce sont des nomades. Alors, ce sont des nomades qu'on appelle Cro-Magnons. Cro-Magnons, c'est un nom français parce que il y a une grotte, un abri sous roche qui s'appelle Cro-Magnon, quelque part dans la région, et c'est là qu'on a trouvé les premiers Homo sapiens, mmh. en 1868. Et donc, ce sont ces Cro-Magnons-là qui ont construit ces sanctuaires, en quelque sorte. Enfin, construit, qui ont peint, qui ont choisi et peint ces sanctuaires. Mais parce que le site, il était naturel, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un trou dans le calcaire. Hein. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est le fait que, qu'ils soient nomades, c'est-à-dire que, qu'ils circulent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en permanence. Il y a peut-être des prêtres qui sont là en permanence, mais en tout cas, eux circulent et ils reviennent de temps en temps. Vous savez, j'ai travaillé, enfin, vous savez pas, mais j'ai travaillé en Mongolie il y a pas longtemps, et c'est là que j'ai pris conscience de ça. En Mongolie, les gens sont nomades, donc les gens circulent avec leur troupeau de bovins, leur troupeau de chameaux, leur troupeau de chevaux. Et ils circulent dans leur yurte, enfin, yurte, c'est bien connu. Et ils circulent. Donc, ils circulent en fonction des pâturages. Ce que j'ai rencontré au cœur de la steppe d'Asie centrale, c'est un cimetière. Et ça m'a beaucoup impressionné de voir ce cimetière. Sans personne autour. Les yurtes étaient bien loin de là, et les tombes étaient toutes fraîches, c'est-à-dire que les gens revenaient à cet endroit-là pour enterrer leurs propres morts. Et là, c'est pareil. Là, je suppose que ces gens étaient opportunistes, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils nomadisaient en fonction du ravitaillement qu'ils pouvaient avoir, du ravitaillement à la fois en gibier et puis aussi en plantes, et puis revenaient de manière régulière au sanctuaire pour des cérémonies rituelles liées à leur mythologie. Alors donc, on peut parler d'un sanctuaire, déjà, parce qu'il semble qu'il y ait deux dimensions. Il y a la dimension peut-être métaphysique, j'ose pas dire religieuse, pourquoi pas, si. Et puis la dimension sociale aussi. Il y a ces absolument. Deux... Hein. Oui, mais les deux sont toujours liés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez bien que chaque société essaye de se réunir, de se rencontrer autour d'un mythe d'origine, d'un mythe fondateur. Et d'un lien, parce que religion, d'un point de vue étymologique, ça veut dire lien, c'est ça, donc on s'y retrouve. Absolument. Et en l'occurrence, ce mythe-là qui était lisible sur les parois, éduquait probablement les jeunes enfants et peut-être les moins jeunes enfants, au fait qu'il faisait partie d'une société et que cette société a été représentée là par ce mythe d'origine ou d'autre chose qui faisait qu'il faisait partie d'un groupe et ce groupe devait rester tout à fait uni. C'est de la politique sociale, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a aussi une préoccupation artistique, c'est-à-dire une volonté d'être dans le beau, au-delà du témoignage? Bien sûr. On a dit quelquefois, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art? Je trouve ça tout à fait ridicule. Bien sûr que c'est de l'art. Et bien sûr que les gens qui avaient ce coup de patte n'étaient pas n'importe qui. Ouais. Il y avait sûrement des spécialisations. Vous avez entendu Monique Pétral dire, et je la crois volontiers, j'adore cette bonne femme d'ailleurs. Elle a fait le boulot de sa vie, quoi. Et elle dit très clairement que toutes ces peintures sont d'une seule patte, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que même si c'est un chef d'atelier, si c'est un grand peintre avec tous ses assistants, même si ça dure quelques générations, il y a là, et c'est l'avantage de Lascaux, une grande homogénéité. Mmh. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Chauvet, ce qui n'est pas le cas à Kosker, etc., où il y a eu plusieurs entrées et plusieurs types de peintures et plusieurs époques. Et rappelons que, d'un point de vue artistique, l'affaire n'est pas commode, hein, parce que c'est pas une feuille de papier, c'est pas une toile, il faut être sur la roche, qui quelquefois fait des arcs, là, comme ça, au-dessus de votre tête. Donc c'est vraiment de grands, grands artistes, est-ce qu'on peut dire ça? C'est fascinant, quand même. Ce sont de toute façon de très grands artistes qui ont utilisé à la fois leur inspiration, bien sûr, à la fois les mythes, parce qu'ils avaient un devoir de représenter certaines choses bien précises pour la société, et puis le choix de leur propre œuvre, de choisir les trous et les bosses, comme dit un peu Monique Pétral, pour faire les ventres des aurochs ou les pattes des chevaux. Avec un souci de de réalisme. C'est le début de l'homme socialisé, finalement. Hein. C'est réalisme et pas réalisme. Hein, parce que, finalement, la peinture naturaliste est superbe. Peinture et gravure, d'ailleurs. Hein, mm-hmm. Peinture et gravure naturalistes sont superbes. Ceci étant dit, quelquefois, il y a des proportions qui ne sont pas respectées et qui sont probablement volontairement pas respectées. Mm. Alors justement, puisqu'on parle d'art, on va écouter Jacques Marsal sur ce point, hein, qui parle des peintures. Je l'ai bien connu, hein. Juste une parenthèse. Quoi, pardon, je l'ai bien connu. J'imagine, oui. Ouais. Ben, on va entendre une voix qui pour vous est familière. Alors il parle des peintures et de son émotion face à ce qu'il faut bien appeler un trésor. Quand on reste dans la grotte pendant longtemps et que l'on regarde bien les peintures, et quand on parle des peintures avec des gens avec qui je travaille, on se dit, mais comment ont-ils pu faire ça? Comment faire ce cheval peint à l'envers? Vous imaginez un cheval peint à l'envers. Un cheval qui tombe, de 2,50 m de long, sur une paroi tournante. Quand l'artiste faisait la tête, il ne pouvait pas voir la queue. Et il n'a pas un défaut. Pas un défaut. Tout ceci est fait au pochoir, avec de la peinture projetée, avec une séparation pour les pattes qui sont au second plan. Mais c'est dingue de penser que des gens qui vivaient il y a 15 ou 17 000 ans étaient capables d'une telle technique. Car ça dépasse toute la technique des peintres contemporains. Ils en tomberaient sur le derrière, pour être polis. Parce qu'ils sont incapables de réaliser ce que les gens de Lascaux ont fait. Alors c'est ça qui m'impressionne le plus. Mmh. Et plus je le vois, et plus je me rends compte que c'est extraordinaire. Voilà ce qui est fantastique pour moi. Alors on disait effectivement du réalisme d'un côté, et puis une démarche très artistique de l'autre. C'est-à-dire, on s'amuse à changer les proportions quand même. Il y a des scènes qui sont un peu violentes parce que la vie à cette époque, c'était pas simple, hein, quand même. C'était même très, très, oui, c'était mais même c'est ce qu'on assez dit. Dangereux. Oui, c'est ce qu'on dit, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Vous savez, on veut toujours que l'homme préhistorique ait vécu des choses épouvantables, du volcanisme par ici ou des glaciations par là. Entre les glaciations, il y avait quand même des périodes interglaciaires qui étaient de tout à fait tempérées. L'époque de Lascaux, c'est du tempéré frais, disons, puisqu'il y a encore toute cette faune, cette grande faune glaciaire qui est en partie présente. Et pareil, en Afrique orientale ou méridionale, il y a des volcans, mais les volcans, ils crachent pas tout le temps. Non. Donc, il faut pas s'imaginer que la vie préhistorique soit particulièrement difficile, que ces pauvres gens aient mis tant de temps à arriver jusqu'à nous, superbes humains du 21e siècle. Ceci dit, je salue l'enthousiasme des inventeurs, bien sûr, mais je suis tout à fait convaincu que les peintres d'aujourd'hui sont capables de faire des choses comparables. Alors, en 1994, on découvre la grotte de Chauvet en Ardèche. Alors, vous me dites, si je me trompe pas, deux fois plus âgée que Lascaux. Oui, absolument. C'est bien ça. Alors, quelle est la spécificité au-delà de ça, de Chauvet par rapport à Lascaux? Ce qu'on a un conseil à donner, c'est d'aller voir les deux. Mais enfin bon, qu'est-ce que Chauvet, la différence? La différence, c'est que, comme je vous le disais, Chauvet a été visité à deux reprises, que Chauvet a eu le bonheur d'être découverte à une époque où on savait un peu comment entretenir les grottes, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de visiteurs, qu'il y a encore des sols qui n'ont pas été foulés, qu'il y a encore des bauges, vous savez, les endroits où se roulent les ours qui n'ont pas été explorés, et que, du même coup, l'état de conservation est meilleur. Mmh. Par ailleurs, ce qui différencie Chauvet de Lascaux, c'est que Chauvet est représenté, enfin, se présente sous la forme de scènes successives. Il y a des panneaux qui sont extrêmement riches, qui sont fantastiques, qui sont superbes, du réalisme dont on parlait tout à l'heure, mais qui en même temps ne sont pas liés. Alors, ce qui a impressionné Breuil à juste raison, et ce qui m'impressionne moi-même, c'est que dans ce qu'on appelle le diverticule axial, qui est un petit couloir face à la grande salle de Lascaux, il y a des peintures sur les côtés, il y a des peintures sur le plafond. C'est-à-dire que, au même titre que Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine, ils ont peint partout, quoi. Ils ont peint sur le côté, ils ont peint sur le plafond, et vous êtes littéralement enveloppé dans ces peintures qui vous raconte votre histoire, l'histoire de votre population, la destinée de votre population, la grandeur de votre population. Ça ne peut être que ça, hein, puisque c'est comme ça à travers le monde entier. Malraux a sauvé la grotte en la fermant, il n'y avait pas de solution. Malraux a bien agi en 63, puisque à la toute première des crises qu'on appelle verte, parce que c'était essentiellement dû à des algues, oui. Il a fait en sorte de réduire l'ouverture, et puis ensuite ça a été confirmé par la suite, et réduit par la suite de manière plus ou moins drastique. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, moi j'y suis retourné souvent, et à une certaine époque, on avait droit à 4 ou 5 personnes par jour, 5 jours sur 7, en fonction de la météorologie extérieure. Parce que Lascaux est à 5-6 mètres de profondeur, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et au point qu'il y a des radicelles, hein, de plantes qui sont au-dessus et qui arrivent par les fissures dans la grotte, c'est vous dire. Et avec les radicelles, bien sûr, il y a toutes les bestioles qui accompagnent. Enfin, ouais. c'est pas neutre. Et d'autre part, cette grotte qui n'est pas très isolée finalement, qui n'est pas très imperméable, eh bien, elle est soumise à l'air de l'extérieur, elle est soumise à la température de l'extérieur, elle est soumise à l'humidité de l'extérieur. Et imaginez qu'elle a 3000 mètres cubes. Ce qui n'est pas considérable. Et comme la façade s'est effondrée, ce qu'on appelle l'abri sur roche, c'est-à-dire l'entrée s'est effondrée, elle est restée comme ça en vase clos, en quelque sorte. Elle est restée comme une bulle. Et pour l'ouvrir au grand public, ce qui va de soi, ce qui était une belle intention, on a enlevé 1000 mètres cubes de pas de gravats, mais de roches effondrées. Donc on a ouvert en grand cette grotte, et on a fait rentrer les gens dont je vous parlais tout à l'heure, tout en aménageant le sol en plus. On a aménagé le sol, ce qui est bien dommage, parce qu'il y avait plein de choses sur le sol. Donc il fallait arrêter les dégâts. Quoi. Qui ont été recueillis, heureusement, mais plein de choses sur le sol pour aménager le sol, pour ne pas que les gens se cassent la figure, quoi, bien sûr. Et tout ça a altéré la compréhension de Lascaux qu'on, petit à petit, on s'efforce de reconstituer. Comment va le site originel? Alors, le site, j'ai l'honneur d'en être responsable. Si c'est pour ça que je vous pose la question. Si je vous le dis, c'est parce que j'en suis fier. Et depuis 2010, d'ailleurs, petit détail, mais petit détail amusant, c'est que c'est Frédéric Mitterrand qui m'a choisi comme président de ce conseil scientifique. Quand il était ministre de la Culture, c'est ça? C'est ça, quand il était ministre de la Culture. Ce conseil scientifique qui n'existait pas, c'est moi qui l'ai constitué. Et il m'a choisi en disant, il me faut à la tête de ce conseil un préhistorique. Alors je ne sais pas s'il connaissait la différence entre préhistorique et paléontologue, ou si c'était volontaire, mais en tout cas c'est moi le préhistorique, quoi. Donc j'ai constitué une équipe qui ne s'occupait pas du tout de l'art, qui ne s'occupait pas du tout ni des peintures ni des gravures, mais qui s'occupait véritablement de la conservation, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, il y a de la terre, hein. Ouais. Il y a donc des études de pédologie. Dans la terre, il y a des plantes. Les plantes, elles sont arrosées par des sources. Les sources, elles viennent de quelque part et elles sont chargées de différents éléments. Tout ça, à la longue, en 6 mois, c'est à l'intérieur de la grotte. La grotte, elle est dans un cadre calcaire. Mais dès qu'on fait de la géologie, on s'aperçoit que juste à côté de la grotte, il y a une autre grotte, puis juste à côté de l'autre grotte, il y a plein d'eau. C'est karstique, quoi, ça travaille. C'est vivant. Et la réponse à la question, ça va bien, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, là on est à quelques secondes. Ah, c'est dommage, oui. C'est dommage. Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, hélas, parce qu'on a entrefermé, ou presque fermé. Il y a 500 heures, hommes, par an. Pardon de couper la conversation comme ça, c'est dommage. Oui, je sais bien. Vous pouvez vous excuser, oui. Ben je m'excuse, voilà. Mais c'est l'heure et on ne peut pas dépasser l'heure. En fait, c'est comme ça. Merci infiniment, Yves Coppens, pour tout ce que vous avez dit avant et qui était tout aussi intéressant. Au revoir, merci. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lascaux, dont on pourrait parler, c'est vrai, des heures. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.